cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam, ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير من هذه الرسالة أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام رحمة الله عليه عند من تفضل الأصل الثالث وهو ارتباط الارتباط والوثق بعلماء بعلماء السنة. نعم، ما معنى هذا الأصل؟ تفضل كونتينيو. Qu'est-ce que tu as compris de ce os? نعم الرجوع إلى العلماء. هذا c'est un أصل من أصول هذا الدين. De revenir à أهل العلم كما أمر الله عز وجل. قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. هذا أصل عظيم كذلك. سكرتيد الحزبيات والجماعات والفرق المنحرفة الضالة، لأن المؤمن إذا أراد أن يحافظ على دينه فلا بد أن يبتعد عن أهل الشر والأهواء. Celui qui veut préserver son dîn, il doit s'écarter de أهل البدع والأهواء. لأن الجليس يؤثر على جليسه والصاحب ساحب كما يقولون، والمرء على الدين خليله قال صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أي أن celui qui côtoie une personne ou un groupe il est touché par le comportement de cette personne, par son dîn, par sa aqida, par son fikr. Et le mort, s'il est mouahid, il se sentira à l'aise avec eux. Les mâles, les annahoum, ils se ressemblent. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة. الأرواح جنود مجندة. أي quand واحد il te ressemble, فترتاح إليه. فلهذا celui qui se mélange à أهل الأهواء ولو au départ si c'est pour une excuse ou pour une raison, Anahu il va apprendre maintenant la langue arabe ou c'est pour telle chose et il se mélange حتى في الدنيا, il fait pas attention et maintenant ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils voyagent ensemble, فسيتأثر به ولا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فهم بذلك المرء على الدين خليله. لهذا السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم ils mettaient en garde les sunnis de se mélanger à أهل البدع. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إياكم ومجالسة أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أي ne vous asseyez pas avec أهل البدع لأن ça va vous rendre malade. مشكلة c'est pas une maladie du corps, c'est le cœur. شبه عيدا بالله. فكم من الناس ils étaient على الجادة, ils étaient على الاستقامة, ils suivaient le droit chemin, ils se sont mélangés à أهل البدع والشر, ثم ils ont dévié. Que ça soit par rapport au gouverneur, que ça soit en critiquant les savants, que ça soit avec des pensées عيدا بالله qui contredisent le haq, فانحرفوا. قال الشيخ عبد السلام نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديهم من أفكار وأنظمة والمسلمون جماعة واحدة. On n'a pas besoin de plusieurs groupes comme on a vu ensemble dans le درس précédent. قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط واحد, الجماعة واحدة. Et ولله الحمد, on a des savants, on a des gouverneurs, on a tous le même guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a le même livre, le Coran, on a le même Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de groupe. Jama'a, c'est le haq. Amma, ces groupes, l'an, il va citer le groupe des ikhwan, le groupe des tablir. Ha'oulay, ils sont à l'anhiraf wa dhalal. Limadha li annahum, ils ne sont pas d'accord avec jama'at al-muslimin. Ils ont fait leur propre groupe pour soi-disant avancer. Fa'l-haqiqa, c'est des bid'a et des shubha. قال الشيخ عبد السلام وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي. وهذا الكلام كلام متين. لماذا؟ لأنهم لو جماعة المسلمين لماذا ils se séparent, ils se divisent. Celui qui quitte une chose, c'est parce qu'il l'aime pas. C'est ça l'asl. On ne parle pas de celui qui est forcé, ça, c'est autre chose. Mais celui qui délaisse une chose libérément, c'est qu'il ne veut pas cette chose. Falimadahum, ils ont délaissé Jama'at al-Muslimin, Jama'at al-Sunnah, ceux qui suivent al-Kitab ou al-Sunnah, ils suivent al-Rasul ou al-Sahaba, Falimadah. Et là, parce qu'il y a des choses qui les dérangent. Falimadah, ils ont fait leur groupe et ils ont inventé des fondements qui contredisent ces fondements qu'on étudie ensemble. Et n'harafou. قال والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي صحيح أن pour هؤلاء أن الجماعة أي ما عليه المسلمون pour eux c'est quelque chose de mauvais. لهذا تجد في كتبهم que ce soit سيد قطب المنحرف الضال أو غيره أنهم يصفون المجتمع بالمجتمع الجاهلي. Tout ce خير qu'il y a في الأمة أي من حيث والله الحمد العبادة والمساجد والحج والصيام يا دي ديفو لا شك يا دي ذنوب لكن طول الخير اللولي أيديز مجتمع جاهلي عياذا بالله سا سي تري غراف سي دو تكفير لأن المجتمع الجاهلي سي لو مجتمع كي يتي أفون الإسلام أو مجتمعات الكفرة أما دير سور أن بي مسلم مجتمع جاهلي سي تري تري غراف. قال وحتى يكون الحكم دقيقا فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. Ça c'est des exemples. Ces groupes, خاصة le groupe des إخوان, فلهم نشاط. Ils font beaucoup de choses. C'est du char. Ils font beaucoup de façades. Et leur fitna, elle a fait beaucoup de mal à l'umma. À l'époque de Cheikh Abd Salam et de nos jours, akthar. Qala aqulu wa lil asaf yujad man ja'ala as-salafiyya hizban ka hadhihi al-ahzab wa yujad man yas'a ila ja'ala as-salafiyya ka hadhihi al-ahzab fa nahnu nabra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadha as-sani' wa na'udhu billah min sharri hadha al-fa'il. Comparé as-salafiyya, ahl as-sunnah, فرقة الناجية أسيغرو زيغاري سي با صحيح بل سي باطل. كومو كومباري لو غروب دي إخوان كي ايتي فوندي باغ ان منحرف حسن البنا صوفي قبوري اي سو ديبلاسي كثيرا بوغ الي فيغ طواف اوتور دي طوم. كذلك إيز أبيل أ سو روبيلي كونتر لي غوفيرنور. كذلك إيز أون دي بدع كو في العقيدة بدعة الأشاعرة أو المعتزلة. كذلك ils ont du tachabouh bil kuffar. كذلك كم من مصائب و بلاء qu'ils ont les comparer à aux salafi اهل السنه السلفيه. هذا سباطل. لماذا؟ لان comparer الحق وباطل لا يجوز. فبعضهم مثلا يديس arrêtez de vous diviser. فلان c'est un tablighi, فلان c'est un ikhwani, فلان c'est un salafi. هذا سباطل. السلفيه c'est الدين الصحيح. C'est الكتاب والسنة على فهم السلف. أما comparé au tabligh, ce groupe qui a été inventé il y a quelques années par un منحرف خرافي وكذلك الجروب ده إخوان, هذا سباطل. سباطل لأن الحق يعرف بأصوله أو ما كانت عليه أي فرقة تنظر الأصول. لأن بعضهم ils connaissent pas les fondements, ils disent مثلا c'est vrai on est des musulmans, tous des musulmans, enfin pourquoi dire tablighi, ikhwani, salafi, pour lui c'est des groupes mais il connaîtrait les fondements, il saurait c'est quoi salafiyya. Wallahi alhamd, nous on est arrivé au 7e et s'il étudierait un peu il saurait que salafiyya c'est l'islam sahih. Wahad il peut se poser la question mais pourquoi vous dites salafi, pourquoi vous dites pas muslim. Cheikh Abd Salam il va répondre et on lira son kalam inshallah ta'ala. لكن si il connaîtrait les fondements أولا il saurait connaître la différence entre salafiyya et l'ikhwaniyya. Est-ce que celui qui appelle au tawhid, à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à obéir au gouverneur, à respecter les savants, à faire du bien, à suivre la sunnah, c'est comme celui qui appelle au bid'a, au khurafat, tahrif al-aqidah, belba'duhum, ils ont du tasawuf, wa rafd. Et toutes les fitaines que la ummah, elle a vécues, que ce soit ma yusammouna bil rabi' al-arabi, le printemps arabe, oh, tout ça c'est min thamarat. Hadhihi al-firqa al-khabitha. Est-ce que tu peux comparer avec une jama'a qui appelle al-huda ou al-nour? Lakin al-ba'd, ils n'ont pas d'ilm. Ou al-mushkila, on a celui qui n'a pas d'ilm, ça arrive. Lakin al-mushkila, al-ba'd, ils ne veulent pas apprendre, ils n'écoutent pas. Et il arrive lui à comprendre. Fulan salafi, fulan ikhwani. Thumma, il conclut, pourquoi vous divisez? On est tous des musulmans. Ah là, il faut l'ilm. اسمع كلام شيخ عبد السلام إذا répondre à cette شبهة قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الإبتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه التفرق qui est interdit. Et les groupes qui sont interdits, c'est les groupes qui sont fondés sur le bid'a et qui sont sortis à l'état. Enfin, maintenant, le groupe des Ikhwan, est-ce que ce groupe, il existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. À l'époque des salafs, abadan. C'est un groupe qui a été inventé par Hassan al-Banna il y a quelques années. Et leur char, il est connu, leurs fondements, ils sont connus. Et incha'Allah ta'ala, on étudiera en détail cette secte dans notre cours sur Al-Firaq. Bi'idnillah. الآن تشوا السلفية أهل السنة أنهم c'est ceux qui suivent السلف. السلف c'est qui? C'est les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. فأين المحذور? Il est où le mal? فلهذا quand ils ont posé la question à Cheikh Nedmi رحمة الله عليه, est-ce qu'il y a un mal de se dire سلفي? فأنكر على هذا الفكر. Quel mal? Quand on dit سلفي ولله الحمد, on n'a pas appelé à un volm, à une bid'a, à du fisq, à du kufr. Abadan. Salafi, ça veut dire que jamais je suis Abu Bakr radiallahu anhu, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa jami' al-sahaba radiallahu anhu. Et kadalik, les grands imams, que ce soit l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, l'imam Soufyan, l'imam Abdullah ibn Mubarak, a'immat al-salaf. Fa'ayna, a'ayna al-mahdour, il est où le mal? Thumma, on étudie les fondements. At-tawhid, wa sunnah, revenir au Coran, suivre les savants, obéir au gouverneur, avoir un bon comportement, s'écarter de la division. Si tu cites à haoula alladhina yunkirun ala man yantasib ila salafiyya law tadhkuru lah, ay celui qui reproche, pourquoi vous dites salafi, tu parles pas du mot salafi, tu lui cites les fondements, il va comprendre que c'est din sahih. Si son aql il a pas été بالبدعه والخرافه يبقى كومبخون ثم tu lui expliques ان هذه هي السلفيه لكن بعض الناس الحقيقه هذا سي مقصود من اعداء الله عز وجل انهم يزون سالي هذا المنهج اي ليماج اما الحمد لله هذا المنهج سي دين الله الحق والله سبحانه وتعالى حافظ دينه لكن هم يسلس فقط ليماج. Allez, là, كثير من الناس الان quand ils entendent le salafia خاصة في هذه الايام. فبعضهم ربما ils n'osent pas le dire. Ou ils pensent que si ils fréquentent as-salafiyun ou ils assistent à leurs dourous, ربما il va subir شيء من الضرر. لماذا؟ لان الاعداء, et هذا c'est مقصود كما قلنا, ils salissent l'image. لماذا؟ لان هذه الفرقة, cette الطائفة المنصورة, cette الجماعة, c'est l'islam au sahih pour écarter les gens faqat. Et anta tastafid une faida azima annaka tahmad Allah subhanahu wa ta'ala. Lana kam min an-nas izam al-khayr lakin an ils ont peur. Khassatan dans certains pays. Khassatan fi bilad al-kufr. Annahu rubama il sait ou il connaît certains salafis, il sait qu'ils sont à la haq, lakin il a peur de suivre hada al-manhaj, de rentrer maintenant le ma'oum fil le masajid, fil durous. Là, il a peur d'être accusé de kada wa kada. Fahmadillah, annaka, tu connais hada al-manhaj, tu étudies ses fondements et tu fais des efforts pour le suivre. Fa kam min an-nas al-an, il y a un obstacle entre eux et hada al-manhaj. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Qala rahmatullah alayhi, فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est ces groupes qu'on doit tous combattre. Le groupe des Ikhwan, le groupe des Tablir, avant eux le groupe des Rawafid, de Al-Jahmiya, de Al-Murji'a, de Al-Mu'tazila, de Soufiya. Oula na'am, c'est des groupes qui sont fondés sur le bid'a. Et ensemble, wallillahi alhamd, on a étudié certains de ces groupes. Et on a étudié leurs fondements. Lakin, on vit une époque, l'an, anna kathir min al-nas ightarru bil asma. Et vous avez remarqué que l'inkar, il est à la salafiyin ashad. Bel, peut-être qu'il est que à la salafiyin dans certains endroits. Vous avez remarqué que ba'd al-nas, il reproche aux salafis. Pourquoi vous divisez, vous dites salafi? Et on ne les a jamais entendu dire aux soufis, aux ash'ari, aux ikhwani, hada. Celui qui a la haq, il est à la haq, ça ne fait aucun mal. Là, on vit une époque, il regarde l'ism faqat, et il ne connaît pas les fondements. Alors, on ne doit pas faire cette erreur. On est à la sunna, on est des salafis, et c'est une étiquette, et on ne connaît rien de ce manhaj. Là. Il y a un autre problème, ils se disent salafi, et ils font des dégâts. Ayyadun billah. C'est des takfiri. Et il se dit salafi, il ne connaît rien de hadal manhaj, et probablement il fait une chose qui lui fait du mal et qui fait du mal aux autres. Alors nous, on essaye de faire des efforts et on doit faire des efforts. On aime hadal manhaj et on fait des efforts pour l'apprendre et l'appliquer. Hadal manhaj, il y a des fondements qu'on est en train d'étudier ensemble. قال شيخ عبد السلام والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء وفي رواية فهو جثي جهنم هنا جثاء بالضم قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن تسموا بسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام. Au départ, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons radiyallahu anhum, il s'appelait al-muslimoun al-mu'minoun wa lillahi alhamd. Et il a yumina hala. Lakin il va en venir où, Cheikh al-Islam? Anna, à cette époque, il n'y avait pas de bid'a. On n'avait pas besoin de dire al-sunni, ahl-sunna, salafi, الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل السنة ils n'avaient pas besoin de dire هذا لأن الأمة c'était une أمة واحدة ils suivaient tous le Nabi صلى الله عليه وسلم فهي avait le مؤمنون et il y avait le كفر et il y avait le منافقون لكن après cette génération de الصحابة رضي الله عنهم الفرق elles ont commencé à sortir à la fin de la période des الصحابة فرقة الروافض والخوارج comme on a étudié ensemble ولله الحمد ثم année après année, décennie après décennie, des groupes qui sortent. Al-Jahmiya, Al-Murji'a, Al-Qadriya, Al-Sufiya, Al-Asha'ira, jusqu'à de nos jours, Al-Ikhwan, Al-Tabligh, ila akhir. قال الشيخ عبد السلام ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين ثم لما اختلطت الأمور مثلا dans l'umma de nos jours si tu dis muslim فليس السلفي والله الحمد c'est des musulmans التبليغيون c'est des musulmans الإخوان c'est des musulmans وهكذا الأشعرة c'est des musulmans et ça va se mélanger فلهذا العلماء arrivé à une certaine époque. Ça s'est mélangé et les groupes ils sont sortis comme il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ils ont cité des noms et en fait, ces noms ils contredisent en rien le haq. Ils sont fondés sur des adillas et ils se sont appelés hakada. Qala fatasammu bil asma' al warida fi an-nusus. Et vous avez remarqué que ces noms ils sont cités fi an-nusus. Enfin, pourquoi être contre? Pourquoi ne pas être d'accord? Quel jama'a comme fi al-hadith. Et dans des versets, والفرقة النادية, نعم, comme dans le hadith al-firq, والطائفة المنصورة كذلك, hadith al-firq, كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم. Et كذلك, ils se sont appelés أهل السنة, السلفيون, لماذا؟ لأنهم, ils appliquent هذا الدين avec la compréhension des salaf, contrairement aux autres groupes. فأين المانع؟ قال كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة et ils se sont appelés هكذا لأنه il y a des causes لأن celui qui veut connaître الحق الآن لابد qu'il y a un فصل بين الحق والباطل نحن on dit مثلا on est des musulmans ولله الحمد على السنة مسلمون سلفيون مسلمون أهل السنة فأين المانع؟ قال الإمام الألباني رحمة الله عليه والشيخ الألباني إمام في السنة إلى بلزيور زوديو أنه يدافع عن أهل السنة وعن السلفية يدمونتر أن الفت دو سابل السلفي سيبا دو لا ديفيزيون أن ريان وفي شريط دون أن أوديو يدمونتر أ واحد أنه si vous voulez qu'on délaisse ce nom طيب on le délaisse لكن délaisse le bid'a enfin on revient comme c'était à l'époque du professeur sallam on est des muslimons الحمد لله tous على الحق أما vous faites des bid'a ثم vous voulez pas qu'on dise salafi فلا لهذا الحقيقة il n'y aurait pas de bid'a on n'aurait pas besoin de dire ça on est des muslimons tous ولله الحمد لله من منهج tous la même عقيدة لكن هؤلاء ils ont inventé des groupes ثم quand الفرقة النادية أهل الحق ils se sont تميزوا ils se sont séparés de هؤلاء تميزوا et ils se sont appelés بهذه الألقاب ou qu'il y a des أدلة ils leur ont reproché هذا tout ça ça te montre أن هذا c'est مقصود et on répète et c'est voulu c'est fait pour combattre أهل الحق فلا تغطر الحمد لله tu dis je suis un مسلم je suis un sunni je suis un salafi et tu le dis بعزة t'es fier walillahi alhamd d'être à la haq et كذلك tu le dis bi tawadhu en toute modestie an at-tawfiq c'est bi yadillah et كذلك tu le dis ça doit être ismun ala musamma ay tu le dis c'est pas مجرد une étiquette tu le dis c'est pour montrer le haq et ta aqida ta ibada ton comportement walillahi alhamd c'est en concordance avec hada al-manhaj قال وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية هذا كتاب نفيس حكم الانتماء رد على هذه الفرق والأحزاب الشيخ بكر رحمة الله عليه لموريا quelques années يعني dizaine d'années الآن Et il a écrit ce livre. Et ce livre, c'est un livre, walillahi alhamd, qui est fondé sur le haq et qui appelle au haq. Lakin, rahmatullah alayhi, il a écrit d'autres livres après et il a contredit هذا الكتاب. لماذا لأنه تأثر بأتباع سيد قط. فالحذر les livres de Sheikh Bakr Abu Zayd منها ما هو طيب مثل حكم الانتماء كذلك الرد على المخالف كذلك هجر المبتدع c'est des livres qu'il a écrit au départ et c'est des كتب طيبة كذلك des كتب في الفقه إلى آخره des كتب في اللغة كذلك il a un كتاب نفيس حلية طالب العلم شيخ ابن عثيمين il a fait l'explication لأن c'est un كتاب il est نفيس أي comment étudier العلم il donne des conseils إلى آخره c'est un كتاب مفيد لكن il a des كتب دافع فيها عن سيد قطب المنحرف عن دفاع بشدة alors qu'il a été conseillé et parmi ces livres تصنيف الناس بين الظن واليقين التصنيف c'est le fait de cataloguer اي dire فلان إخواني فلان تبليغي فلان سلفي il a écrit un livre في هذا et ce livre استفاد منه أهل البدع كثيرا ولله الحمد الشيخ عبد السلام ابن برجس il a écrit un رد Il l'a appelé تصنيف الناس بين الظن واليقين أو الرد على منكر التصنيف. Il a fait un رد على الشيخ بكر أبو زيد pour lui montrer أن هذا الكتاب il est fondé sur le باطل. فتأمل الشيخ عبد السلام الآن il cite الشيخ بكر أبو زيد et il cite son livre. Et quand il a su qu'il y avait un livre qui contredisait هذا, رد عليه. Et في الحقيقة, le livre de الشيخ بكر أبو زيد, حكم الانتماء, c'est un رد sur son, un de ses derniers livres, التصنيف. Et ce livre, il a été traduit et il est propagé. Et al-ulama hadharu minhu. شيخ مقبل رحمة الله عليه شيخ زيد المدخلي وآخرون ردوا على هذه الكتب كذلك إلى ذي دي une رسالة في الدفاع عن سيد قطب المنحرف الضال تو صاف الحقيقة pourquoi c'est المخالطة الإنسان il est pas à la bonne. Pourtant شيخ بكر لا شك أنه il avait du علم بل beaucoup de علم il faisait partie de اللجنة الدائمة لكن أهل البدع والشر هكذا ils essayent de faire du mal à أهل العلم حتى ça fait du mal aux autres. لكن السني qui a été éduqué à la sunna et qui comprend les fondements il ne suit pas le savant dans l'erreur. فمثلا نحن بل بعض أهل البدع من الإخوان ومن أتباع سيد قد من السرورية يستدلون كثيرا بالشيخ بكر أبو زيد. Ils disent لكن الشيخ بكر أبو زيد il a dit مثلا de pas faire cette division. Pourquoi vous répliquez sur سيد قد؟ نحن ولله الحمد on n'a pas été ordonné de suivre الشيخ بكر ou un autre cheikh. Si Cheikh Bakr il a dit hada fi Zayd Qut, alhamdulillah, il y a des autres savants qui ont répliqué le haqq ina ma'ahum, on prend leur qawl. Hada amma al ba'd la matalan al mubtadi'a yusir de hada thumma il sait plus quoi faire. Al hay la tu'man alayhi al fitna, al isma c'est les rusul. Al difa' Cheikh Bakr Abu Zayd an Zayd Qut c'est un difa' bi batil wa nusiha wa matab. Wallahu ta'ala a'lam. Et il n'est jamais revenu, il n'a jamais montré annahu, il était revenu à la hada. Hadihi al-mu'amala avec ses livres. On fait attention à certains de ses livres. At-tasnif et difa'uhu an Sayyid Qut. Et les autres livres que l'ulama ils ont accepté wa atnaw 'alayha ka hukm al-intima ila akhir fa kutub tayyiba fala bud min hada at-tanbih. As-sunni, on fait attention à al-hawa. On fait attention à l'hawa. Quand une personne, un shir, on yadam billah, بعض الناس, il l'aime pas ou il a un problème avec un tel, yaroddoun alayh. Et بعضهم, il cherche des erreurs, même s'il n'a pas. Et quand c'est un shir qui ne parle pas sur lui, l'akhir, il a des erreurs, il se tait. Et il prend de lui, qu'annahu ma fi shay. Ça, c'est pas min al-insaf, ça, c'est min al-hawa. Amma sunni là, un tel, il s'est trompé, il montre, et si c'est un alam, bihtiram. Lakin, on fait attention. Al-ulama, ils ont mis en garde contre les erreurs de l'Hafidh ibn Hajar. La ta'lamoun, c'est qui l'Hafidh ibn Hajar? C'est un imam kabir fi ilm al-hadith. Raddu alayh. Cheikh ibn Baz ou gayruh. Ils ont démontré ces erreurs fi sifat fi fath al-bari. Al-imam al-Nawawi, rahmatullah alayh. Al-imam. Celui qui a écrit Riyad Salihin wa al-Arba'in al-Nawawiyya wa kam min kutub. شرح صحيح مسلم رد عليه أنه يستخومبي في ما يتعلق بالعقيدة في الأسماء والصفات الإمام الشوكاني إمام كبير رد عليه فاتنسيون نحن على هوا واحد كي با داكور افيك تو تيسي تروفي دي زيرور ترد عليه واحد كي سي تو او إلي داكور ميم سي لا دي زيرور اون سو تي سا سي الهوا سا سي الهوا بعضهم عياذا بالله واحد إلا دي زيرور إي سو تي. Le jour où il parle sur lui, il sort toutes les erreurs. Ça, c'est le hawa. Ça, c'est pas min al-insaf. Hada al-manhaj, il est fondé sur l'adl ou al-haq. Et là, dans cette mas'ala, Cheikh Bakr, il s'est trompé. Hada, tambihun, limada anna Cheikh Abdou Salam, il a cité ce livre. Et nous n'avons pas les anna. On nous a informé, anna, ces livres, ils étaient traduits, ils sont propagés, et rubbahum ba'd al-ikhwan, et yagtarroun biha. Le livre qu'ils ont traduit, Madri, comment ils ont traduit le titre Tasnif al-Nas, cataloguer les gens, Bain al-Dhan wal-Yaqin. Hada al-Kitab, la yuqra. La yuqra wa la yuwazza. Limada li anna al-ulama haddaru minhu bihaq wa minhum al-Sheikh Abd al-Salam. Normalement, le livre qui doit être traduit, c'est celui de Sheikh Abd al-Salam et doit être propagé. Li anna hu il est fondé sur le haq. Hada, wallahu ta'ala a'lam. وغفر الله للشيخ بكر وللجميع. قال ومن ذلك أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة. صحيح أن هذه الألقاب أهل السنة السلفيون أهل الحديث صدق بعد وجود بي. فالعلماء ما أنكروها. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا démontré أنه لا عيب لمن انتسب إلى مذهب السلف يا أكمل بل قال بل يجب قبول ذلك بالاتفاق بل on doit accepter هذا أي de de s'affilier aux salaf, de dire je suis un suiveur des salaf. Hada ma fi shay. Qala wa minha anna hadhihi an-nisab tahwi kull al-islam. Ah, c'est pas fondé sur le bid'a ou sur des fondements qui contredisent l'islam. Abadan. ومنها أنها ألقاب ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في الرد بدعهم وضلالاتهم للتميز عنهم. نعم هذا لا ستين بعض هذه الألقاب العلماء اللي ont cité. لماذا؟ لأن أهل البدع يبروباجي الضلال au nom de l'islam. فالعلماء ils ont démontré qu'ils étaient à la char et ils ont démontré que c'était des أهل البدع et ils ont démontré la voie d'أهل الحق. فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا نحن أهل السنة مثلا ردا على الروافض. Ils ont démontré أنهم c'était des zanadiqa, des ashra, et ils ont démontré أن المسلم il doit être على السنة. C'est pour ça qu'ils ont dit هذا c'est un sunni, فلان c'est un sunni, contrairement à أهل الرفض. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا نحن أهل الحديث والأثر. Quand un autre groupe il est sorti, il se basait sur الرأي مجرد الرأي أي sur les avis, et il délaissait les textes. Les ulama ils ont mis en garde et ils ont dit نحن ندي أهل الحديث والأثر, et on doit suivre الحديث والأثر. أما s'ils auraient dit comme مسلم ربما كثير من الناس ils n'auraient pas compris, ils auraient dit vous êtes des مسلمون, c'est des مسلمون, لكن تميزوا عنهم avec هذا اللقب. ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous avez remarqué que السلفية أهل السنة أهل الحديث لا ينتسبون إلى شخص. Si tu prends le groupe des إخوان, la référence c'est حسن البنا. Si tu prends le groupe des تبليغ, la référence c'est Ilyas ou Mahdi Kayf yusammouna. Si tu prends Soufiya, c'est Mashaikh al-Turq. Wa hakada. Ahl al-Sunna, ma fi hada. Ma fi hada. Ba'dhum il dit Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il compare al-Salafiyya, il dit en fait c'est des Wahhabiyya. Abadan, al-Salafiyya, elle était bien avant. Ba'dhum il dit c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyya. Là, c'est pas Cheikh al-Islam, c'était avant. Ba'dhum il dit en fait al-Salafiyya, c'est al-Hanabila, ceux qui suivent l'imam Ahmed. Bel, c'était avant. Hatta, tu vas monter jusqu'à ce que tu vas arriver à la génération de Sahaba. As-salaf as-salih. Et la première génération et les générations qui sont venues après. Amma, les autres groupes, tu trouveras da'iman, ils sont affiliés ou yata'assabun, ils suivent aveuglément un guide autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amma salavi, il peut prendre la parole de tel imam ou rejeter tel imam si elle contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-firaq la, les autres firaq la, si tu es d'accord avec eux, ils t'acceptent même si tu es à la batil. Si tu es contre eux, ils te rejettent même si tu es à la haq. C'est ça le hizbiyya et c'est ça l'inhiraf. Amma sunni la, même si tu es contre lui, si tu as le haq, tawaddal. Le but c'est que tout le monde suive le haq. Qala ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى البدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية للشخص ولا إلى عصبية لطائفة كما تقدم. أما أن الفت de dire salafi ça appelle à aucune معصية أبدا ولله الحمد, ça appelle à aucune بدعة, ça appelle pas à suivre quelqu'un en particulier en dehors du prophète صلى الله عليه وسلم أبدا. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من مبادي المنهج السلفي. يعني on peut prendre la parole de quiconque ou la rejeter sauf le prophète صلى الله عليه وسلم. قال ومنها أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غير. Et ça c'est important. أن الولاء والبراء c'est par rapport au dîn. Pas par rapport à ton shir ou à mon shir, pas par rapport à ton pays ou à mon pays, pas par rapport à ton origine ou à mon origine, par rapport à l'islam. Celui qui a la sunna, qui suit le haq, nuhibbu. On le connaît ou on ne le connaît pas. Celui qui contredit le haq et il ne veut pas revenir, fanubridu. On le connaît ou on ne le connaît pas. C'est ça, manhaj ahli sunna. إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع وطاعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. هذه الجماعة سجروب السلفيون من أصولهم القرآن والسنة obéir au gouverneur. لأن cette jama'a qui est fondée sur le kitab wa sunnah, la bud laha min imam. Il faut un guide. La bud. قال يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآنف الذكر أي المذكور سابقا حكم الانتماء. هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة. Cheikh Abd Salam, il veut démontrer l'an à les autres groupes. D'aïmen, ils ont un imam. Et en général, c'est des choses sérieuses, des choses secrètes. Anahum, ils ont un guide. Bel ba'dahum, ils font le bay'a. Ils prêtent allégeance à ce guide. Kama yahsul, inda al-ikhwan al-muslimin. Amma sunni là. Une jama'a, et le guide, c'est le gouverneur. وله السمع والطاعة bien sûr في غير معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قال وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين والتفريق لجماعتهم وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة. يتمونخ الآن أن الأصل سي السنة والجماعة. فالسو كيزون في لي غروب سي أو كي دوافت تتر بلامي. أما السلفيون الآن يسون ريستي سور الأصل. سي كي كافي لا ديفيزيون؟ سي الإخوان، سي التبليغ، سي الصوفية، سي الروافد، سي الخوارج. أما السلفيون يسون ريستي سور الأصل. Et tellement que l'un il y a de l'égarement, de l'ignorance et beaucoup de groupes, السلفيون ils sont devenus غرباء. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الآن من pourtant السلفية c'est la base. Il n'y a eu aucun changement. حتى بعضهم ils l'admettent. أنهم يقولون les salafis c'est des radicalistes, fondamentalistes. أي أنهم ils veulent pas changer. Ça montre qu'ils sont restés sur la base. لكن vu qu'il y a eu beaucoup de changements, بعض الناس ils pensent que cette base c'est devenu quelque chose de faux. عياذا بالله. وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها. فلا تغتر بمن يقول أن هذه الجماعات فيها خير. تشوف بعض الناس يقولون هذا أن للسلفي ils ont du خير للإخوان ils ont du خير للتبليغ ils ont du خير نتعاون. لا لخشر إلى أعظم. Et le khayr qu'il y a dans le salafiyya, il suffit. Il y a un din, il est kamel. Enfin, celui qui veut le khayr, il revient à manhaj ahli sunnah. Et il délaisse le bid'a. Amma le ba'd, ils essayent d'égarer les gens avec mitla hada al-kalam. Les salafis, ils ont du khayr, ils donnent l'importance au ilm ou au tawhid. Les tablighis, ils ont du khayr, ils donnent de l'importance à da'wa. Les ikhwan, ils ont du khayr, ils donnent de l'importance à la politique et l'akhir. Enfin, on prend du khayr de chacun là. Ne prend rien du mubtadi'. لأن المبتدع même s'il a un خير il le mélangera avec du شر. قال فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. نعم هو ما من مبتدع إلى du خير en général. مثلا كثير من أهل البدعة يديز الشهادة سيدو خير يفون الصلاة سيدو خير يفون الحج سيدو خير لا ينكر هذا لكن العلماء يمتخون قرد contre البدعة يمتخون قرد contre البدعة et quand on met en garde contre البدعة on n'a pas besoin de citer الحسنات فالإخوان سيزون دو خير يدرس لخشر وهكذا التبليغ وهكذا جميع الفرق. فالحذر من هذه الجماعات المشبوهة فلا تكونوا أيها الشباب ضحية أو ضحية أمثالها. فوالله ما حلت في بلد ونفتت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف. صحيح نصيحة جميلة. Attention à ces groupes. والله كما قال أن ces groupes quand ils rentrent dans un village ou dans une ville ils divisent. كم من الإخوان إذا على حق إذا على على جماعة قلب واحد ثم ces groupes ils sont rentrés من إخوان من تبليغ من حزبيين من يفرق tout le monde فيهم شر. C'est pour ça نحن on doit faire attention. وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا اليوم بين حالنا يوم أن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين حالنا الآن فلقد فرقت هذه الجامعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. لما دخل الإخوان المسلمون في المملكة العربية السعودية ils ont fait beaucoup de فساد. Ils sont rentrés via les jami'at. Pourtant, ils leur ont fait du khayr. Ils ont appelé des professeurs, comme Abayyana Sheikh Mohamed Ibrahim al-Sheikh, l'ancien mufti. Il a autorisé des professeurs d'Égypte, ou d'Inde, ou du Pakistan. Ils sont venus, ils avaient des connaissances pour devenir professeurs, et ils ont propagé leur bid'ah. Et ils ont fait beaucoup de mal. حتى فرقوا بين الشباب والعلماء. Tu trouves. ويقولون هذا أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه يفزد محاضرات ربما لا يحضر إلا العشرة أو عشرون أو ثلاثون peut-être qu'il y avait 20, 30 أو أقل. Tu trouves بعض الحركيين qui sont poussés par ces جماعات qui sont financés كعائد القرني المنحرف ومحمد العريفي والسلمان وصفر tous ces égarés ربما آلاف. Pourquoi? Ils ont mis un obstacle entre Shabab et l'ulama. En les accusant, ils travaillent pour les gouverneurs, ils ne connaissent pas le waqir, ils sont trop durs, ils veulent la division, et tu trouves si c'est carte. Falhadr. قال وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقة كبيرة ولله الحمد والمنة ونأخذ عنهم وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب ونحو ذلك. نعم ولله الحمد في هذه الأيام العلماء ils ont beaucoup mis en garde contre هذه الجماعة surtout الإخوان et après des années, tout le facet qu'ils ont fait, il a akhiré. Falhamdulillah, l'an, il les expulse. Wala yumakkinounahum, que ce soit fil jami'at, que ce soit fil masajid. C'est une ni'ma. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-malik Salman wa jami' hukam al-muslimin li'ib'ad ha'ula al-ashrar. Qal wa hadhihi al-jama'at aydan afsadat aqa'id ba'd shababina wa lawathat المنهج عندهم وأقنعتهم في أن يجعلوا الولاء والبراء لها فقط. Tu trouves واحد qui vit في المملكة العربية السعودية ça arrive عيادا بالله c'est un تبليغ il est في بلد التوحيد بلد العلماء. كم من علماء ربما il habite à مكة المدينة الجدة الرياض والله الحمد علماء كثر et tu le trouves c'est un تبليغ. C'est un tablighi et il prétend qu'il faut aller dans tel pays faire da'wa ila akhiri alors qu'il connaît rien de son dieu. Et il délaisse da'wat Ahl al-Haq, da'wat Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, qui est fondé sur le kitab ou le sunnah. Tout ça, c'est quoi ce sabab? C'est hadhihi al-jama'at. Quand ils rentrent dans un bilad, ils font du façade. Et tu trouves cette personne, normalement, il doit faire des efforts fi tawhid ila akhiri, sa seule préoccupation, ça sera le groupe. Il ne faut pas critiquer l'établir, il faut sortir. Tout ça sera pour al-jama'at. Alors que c'est une jama'at qui est fondée sur al-bid'a ou al-khurafa. قال ومن وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المغرر بهم للقيام بثورة أو الدخول في فتنة فلا تكن حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب ببعيدة تأملوا فراسة العالم. الشيخ عبد السلام إلى يكخي هذه الرسالة اسكلام إلى تعطى رفاق Mouhim, il est mort, rahmatullah alayhi, en 1425-1426. Et on est en 1439, ça fait 15 ans, taqriban. Cette risala, date d'une vingtaine d'années. Il démontre, si on ne fait pas attention, ces groupes, ils vont pousser al-shabab, al-mughar bihim, ces ignorants parmi les jeunes qui les suivent, à faire des révolutions. Thumma, il te cite l'exemple, la fitna qui a eu fait le haram. Ce que les ulama appellent fitna Juhayman, al-munharif al-dhab, qui a fait une fitna fil haram al-makki, et iyadan billah, ils ont fait du façade, et les forces de l'ordre les ont mis en prison, il a akhir. cette fitna fil haram à Mecca. Ils ont créé les armes, il a akhir. Ils ont voulu se rebeller. Et ils sont rentrés fil majid al-haram et ils ont fait du fazad. Et il y a eu des morts, des blessés, il a akhir. Cheikh Abdussalam, il cite cet exemple. Ils vont pousser les jeunes à faire des révolutions, il a akhir. Ta'ammal, qu'est-ce qui s'est passé avec le printemps arabe? Tout ça, c'est thamarat, c'est le fruit de ce groupe. Al-Ikhwan al-Muslimun. Les ulama, ils ont démontré, attention, ils vont faire kada et kada, pas parce qu'ils connaissent le ghaib, là. Les Anna Shah Absalam, ils connaissent les fondements de ce groupe. Anna'oum, le but, c'est qu'ils veulent le kursi, ils veulent le pouvoir, et le jour où ils auront de la force et beaucoup de suiveurs, ils appelleront à se débarrasser des gouverneurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé en Tunisie. Thumma en Égypte, thumma en Libye, thumma au Yémen, thumma en Syrie, il a akhir. Et on voit la fitna qui est. Al-Rabi al-Arabi. Fitna azim. Ça a fait beaucoup de mal à la Ummah et ça a ouvert un bœuf de shur, des milliers de morts. Et fasadun azim. Et les kuffar tamakkanu, dans beaucoup de bilades, ils sont rentrés. Et les grands perdants, c'est qui? C'est le musulman. Tout ça à cause de qui? De l'ikhwan. Lakin, alhamdulillah, il y a une faïda, c'est que kathirun minan nas, ils ont compris et ils ont vu le shur de ce groupe al-ikhwan. المسلمون. قال الشيخ عبد السلام دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمان من كل بلية. Revenir à أهل العلم une فائدة عظيمة. لا تغتر. Ne crois pas ceux qui disent أن العلماء ils connaissent pas l'actualité, أن العلماء ils savent pas ce qui se passe. ثم ils écoutent des منحرفين الآن sur internet. هذا il appelle au complot. هذا il appelle à Madrid des كلام فارغ. Et ils pensent que c'est ça العلم. Même si c'est des choses, maintenant il y a des complotistes qui ne sont pas d'accord avec le kafara et ils montrent la tartar. La tartar, c'est pas du ilm. Même s'il critique ses frères, min al-kafara, lui-même il veut attirer les musulmans pour les égarer. Celui qui veut le haq, il revient à ulama al-sunna. Ils te donneront ce que tu as besoin. Le haq, tu ne le trouveras pas dans les informations. Abedin. Le haq, tu ne le trouveras pas عند al-kafara, عند المنافقين عند الفسقة أبدا الحق تلتخوغا عند أهل العلم فذا أما السؤال لكونا له الآن مختصر quelques pages كم من فوائد et il nous a montré les bases ou quelques bases de أهل السنة il nous a mis en garde contre certains groupes il nous a montré pourquoi le fait de s'appeler salafi ne s'emmène pas à la division il a mis en garde contre les إخوان استفدنا أنهم ils appellent ils ont appelé et ils appelleront encore à la révolution فالحمدلله فوائد كثيرة. Mais les informations, ils vont citer une kalima qui est fondée sur le haq, ils vont la mélanger avec mi'at batil, ayyadam billah. Naktafi bihad al-qadr, subhanak lom hamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.